بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, أهلا وسهلا ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات، حياكم الله على طاعتي. Donc nous poursuivons l'explication du livre de la purification de Boulour el-Maram. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre des ablutions. Donc l'auteur dit « An Abi Hurayrata radiallahu an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam » قال لو أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. Donc Abu Huraira رضي الله عنه rapporte que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: si je n'avais craint d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné l'usage du siwak lors de chaque ablution. Donc l'auteur, rahmahullah, rahmatan wasi'a, il a commencé ce chapitre par mentionner un hadith concernant le siwak. Malgré qu'il aurait été plus approprié de commencer ce chapitre par un hadith montrant l'importance des ablutions, tel que le hadith d'Abu Huraira radiallahu an, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte la prière d'aucun d'entre vous lorsqu'il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il fasse ses ablutions. Donc le hadith, comme on l'a dit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Mais l'auteur, rahimahullah, a préféré commencer par un hadith sur le siwak. Et le siwak, comme les savants l'ont mentionné, il est recommandé à toute heure et en tout temps. Même lors du jeûne, il est recommandé d'utiliser le siwak. Et ceci au contraire de l'avis de certains jurisconsultes qui disent que ceci est détestable après le asr. Donc certains jurisconsultes nous disent qu'il est détestable d'utiliser le siwak lors du jeûne après la prière du asr. Mais cet avis n'est basé sur aucune preuve. Il est donc recommandé d'utiliser le siwak à n'importe quelle heure. Mais On peut dire qu'il y a des moments où l'utilisation du siwak est encore plus recommandée. Et parmi ces moments, ikhwani fillah, nous avons les ablutions. Nous avons les ablutions. Donc il convient d'utiliser le siwak, que ce soit au début des ablutions, ou bien à la fin des ablutions, ou même lors du rinçage de la bouche, lors de ce qu'on appelle al-madmada. Mais certains savants sont d'avis qu'il est préférable de l'utiliser lors du rinçage de la bouche. Lors du rinçage de la bouche. Et il se peut que quelqu'un se demande, quelle main doit-on utiliser lorsqu'on utilise le siwak ? Doit-on utiliser la main droite ou bien doit-on utiliser la main gauche ? Et la réponse à cela est ikhwani fillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, et que les savants ont divergé sur cette question. Certains parmi eux ont dit qu'il faut utiliser la main droite, car on utilise le siwak pour la purification. Ils ont dit qu'il faut utiliser la main droite, car on utilise le siwak pour la purification. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilisait sa main droite lorsqu'il se purifiait. Comme cela est venu dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Elle a dit, radiallahu anha, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aimait commencer par le côté droit pour se chausser, se peigner, se purifier et en toute chose. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. Donc ceci est le premier avis. Tandis que d'autres savants sont d'avis que cela doit se faire avec la main gauche. Car le siwak enlève les mauvaises odeurs et enlève aussi le reste d'aliments qu'on peut trouver dans notre bouche. Et donc dans ce contexte, on utilise la main gauche. Et d'autres savants, et ceci est le troisième avis, d'autres savants, eux, ils ont détaillé. Et ils ont dit qu'en vérité, il faut regarder comment le siwak est utilisé. S'il est utilisé pour enlever, par exemple, les mauvaises odeurs et autres, il faut utiliser la main gauche. Mais par contre, dans le cas contraire, il faut utiliser la main droite. Mais l'avis le plus juste dans cette affaire, Inch'Allah ta'ala, est que ceci est vaste. Ceci est vaste. Comme le disait notre cheikh Yassine al-Adani, qu'Allah lui fasse miséricorde. Car en vérité, il n'est pas venu de preuve. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, stipulant quelle main le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait lors de l'utilisation du siwak. Donc il n'y a pas de mal à utiliser sa main droite ou sa main gauche. Ceci est vaste, comme nous l'avons mentionné précédemment. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je n'avais craint d'imposer une difficulté à ma communauté, je leur aurais ordonné l'usage du siwak lors de chaque ablution. Et donc on tire de ce hadith plusieurs enseignements. Le premier enseignement que nous tirons de ce hadith est la recommandation appuyée de l'utilisation du siwak lors des ablutions, que ce soit lorsque la personne fait ses ablutions pour la prière ou bien pour lire le Coran ou autre. Le deuxième enseignement est que la base dans l'ordre est qu'il indique le caractère obligatoire de la chose. Car si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas eu de difficulté dans l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. car les gens auraient eu le choix entre faire cette chose et la délaisser. Le troisième enseignement, c'est la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, car il n'aimait pas sallallahu alayhi wa sallam imposer une difficulté à sa communauté. Le quatrième enseignement, nous avons dans ce hadith une preuve de la règle, la difficulté entraîne la simplification. Car c'est la crainte d'imposer une difficulté qui est la cause que ça ne soit pas obligatoire. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc après le hadith d'Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi, ou plutôt l'auteur Afwan, nous mentionne le hadith de Humran. Donc, wa an Humran, anna Uthman, radiallahu an, da'a bi wadu, faghassala kaffayhi thalath marrat, thumma tamadmad, wastanshaqa wastanthara, thumma ghassala wajhahu thalath marrat, ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Donc Humran, un des serviteurs de Uthman, radiallahu anhu, rapporte. Uthman demanda qu'on lui apporte de l'eau pour effectuer ses ablutions. Il lava ses mains trois fois, puis il se rinça la bouche et inspira et expira de l'eau par le nez. Puis il lava son visage trois fois, puis son bras droit jusqu'au coude trois fois, puis le gauche de la même manière. Puis il passa ses mains mouillées sur sa tête, puis il lava son pied droit jusqu'à la cheville trois fois, puis la gauche de la même manière. Puis il dit, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam effectuer ses ablutions comme je viens de le faire. Donc lorsqu'il est mentionné dans ce hadith, Uthman demanda qu'on lui apporte de l'eau pour effectuer ses ablutions. Cette phrase, ikhwani fillah, nous montre qu'il est permis de s'aider de quelqu'un pour les ablutions. Et il y a dans cela trois cas de figure. Le premier cas de figure est que quelqu'un te ramène de l'eau avec laquelle tu vas faire les ablutions. Et donc, ici, c'est le premier cas de figure. Tu veux faire les ablutions, quelqu'un, par exemple, ton enfant te ramène de l'eau avec laquelle tu vas faire tes ablutions. Le deuxième cas de figure est que tu t'aides de quelqu'un pour qu'il te verse l'eau lors des ablutions. Il prend, par exemple, le récipient et le penche vers toi pour que tu puisses faire tes ablutions. Et ceci est le deuxième cas de figure. Et le troisième cas de figure, c'est lorsque tu t'aides d'une personne pour qu'il te lave les membres des ablutions. Donc ici, il te fait les ablutions. Il te lave les mains, les pieds, etc. Donc ça, c'est les trois cas de figure que les savants ont mentionnés. Reste maintenant à savoir quel est le jugement de ces trois cas. Concernant le premier cas de figure et le deuxième, ils sont permis. Ils sont permis. Et la preuve que le premier cas de figure est permis réside dans ce hadith. Car Humran rapporte que Uthman demanda qu'on lui apporte de l'eau pour effectuer ses ablutions. Donc ici, quelqu'un a rapporté de l'eau à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, pour qu'il puisse faire les ablutions. Pareil pour le deuxième cas. Le fait qu'une personne te verse de l'eau pour que tu puisses faire les ablutions, ceci est permis. Quant au troisième cas, il est interdit. C'est interdit que quelqu'un te fasse les ablutions. Car ceci, comme l'ont mentionné les savants, fait partie des actions des orgueilleux. Il ne convient pas qu'un musulman fasse cela. Et lorsqu'on regarde les hadiths qui ont été rapportés au sujet des ablutions, à aucun moment ce cas de figure fut évoqué. Donc les deux premiers cas de figure, il n'y a pas de mal dans ces deux cas. Par contre, concernant le troisième cas de figure, ceci est interdit. Ceci est interdit à part si la personne, d'accord, est malade et elle ne peut faire les ablutions que comme cela. Ici, les savants, ils ont exclu ce cas de figure. Mais sinon, si la personne est en bonne santé et qu'elle peut faire les ablutions soi-même, elle-même à foin, ici, c'est interdit. Car ça fait partie des actions des orgueilleux. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, il dit, il lava ses mains trois fois. Donc, concernant le lavage des mains, au début des ablutions, ceci est une sunna, mais ce n'est pas une obligation. Et la preuve que ce n'est pas une obligation, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le verset où il parle des ablutions, il n'a pas mentionné le lavage des mains. Il n'a pas mentionné le lavage des mains au début des ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, Ya ayyuha alladhina amanu, idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, Ô vous qui croyez, lorsque vous voulez accomplir la prière, lavez-vous le visage et lavez les mains et les avant-bras jusqu'au coude. Passez vos mains mouillées sur la tête et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Et donc ici on remarque qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a commencé par le lavage du visage et non pas par le lavage des deux mains. Et donc ceci nous montre que laver ses mains au début des ablutions est une sunna. Ceci n'est pas une obligation. Si la personne le fait, c'est mieux. Et ses ablutions seront plus complètes. Et s'il ne le fait pas, ses ablutions sont valides. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, il dit, puis il se rinça la bouche et inspira et expira de l'eau par le nez. Donc, concernant le rinçage de la bouche et du nez lors des ablutions, les savants de l'islam ont divergé sur son obligation. Nous trouvons que l'imam Malik et l'imam Shafi'i, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont d'avis que c'est une sunna. Et donc selon eux, ce n'est pas une obligation. Tandis que l'imam Ahmad et d'autres sont d'avis que cela est obligatoire. Et ceci, Inch'Allah, est l'avis le plus juste. Il est obligatoire de se rincer la bouche et le nez lors des ablutions. Et il y a plusieurs choses qui nous indiquent que cela est obligatoire. Parmi ces choses, nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le hadith est rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Lorsque tu fais les ablutions, rince-toi la bouche. » Et l'ordre dans ce hadith montre l'obligation. Nous avons aussi le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque fait les ablutions, qu'il inspire et expire l'eau, qu'il inspire et expire l'eau. » Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'il inspire et expire l'eau, d'accord, par le nez. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et par l'imam Muslim. Naam. Et donc, la vérité est que ceci est obligatoire. Comme l'a mentionné l'imam Al-Shawkani. Donc, l'avis de la vérité est que ceci est une obligation. Et concernant la manière de faire Al-Madmada et l'istinchar, c'est-à-dire de rincer la bouche et le nez, la sunna dans cela est de prendre de l'eau dans sa main. Et il est préférable de la prendre de la main, par la main droite. Donc de prendre de l'eau dans sa main, mettre une partie dans sa bouche et le reste dans le nez, pour ensuite faire sortir l'eau qu'il y a dans le nez avec la main gauche. Avec la main gauche. Et si la personne fait cela, ceci est considéré comme une fois. Ceci est considéré comme une fois. Et donc si elle reprend de l'eau, met une partie dans sa bouche et le reste dans le nez, ceci est considéré comme une deuxième fois. Et si elle le refait encore une fois, c'est considéré comme la troisième fois. Et ceci est la sunna. Ceci est la sunna concernant Al-Madmada et Al-Istinshaq. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite il dit, puis il lava son visage trois fois. Donc après avoir fait Al-Madmada et Al-Istinshaq, il lava son visage trois fois. Puis son bras droit jusqu'au coude trois fois. Puis le gauche de la même manière. Donc ensuite, après le visage, il a lavé donc ses mains jusqu'au coude. Et donc ici, on doit laver du bout des doigts jusqu'au coude. Et on doit dépasser un peu le coude. Et ceci, ikhwan fillah, est obligatoire. Pourquoi nous disons que c'est obligatoire? Car malheureusement, nous remarquons que certains musulmans ne lavent pas à ce moment-là leurs mains jusqu'au coude. Car selon eux, comme ils ont lavé leurs mains au début des ablutions, cela est suffisant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont laver leurs poignets jusqu'au coude. Et ceci, comme l'ont mentionné les savants, ceci est une erreur. Et celui qui viendrait à faire ça, ses ablutions ne sont pas valides. Ces ablutions ne sont pas valides. Il est impératif et il est même plutôt obligatoire de laver ses mains, d'accord, à partir du bout des doigts jusqu'au coude. Et on dépasse un peu le coude et ceci est une obligation. Donc il dit, puis son bras droit jusqu'au coude trois fois, puis le gauche de la même manière. Donc ici nous voyons que Uthman, radiallahu anhu, il a commencé par le bras droit, ensuite le bras gauche, car ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit, puis il passa ses mains mouillées sur sa tête, puis il lava son pied droit jusqu'à la cheville trois fois, puis le gauche de la même manière. Donc l'auteur, après ce hadith-là, il a mentionné d'autres hadiths, d'accord, concernant l'essuyage de la tête et aussi le lavage des pieds. Donc on les expliquera la semaine prochaine, Inch'Allah. C'est pour ça que je ne détaille pas ces points. Ensuite, il dit, puis il dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, effectuer ses ablutions comme je viens de le faire. Donc on tire de ce hadith, ikhwani fillah, plusieurs enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ce hadith est la modestie de Uthman ibn Affan. Car il a demandé qu'on lui ramène de l'eau pour faire les ablutions devant les gens. Le deuxième enseignement qu'on tire de ce hadith et la permission de faire les ablutions dans le but d'enseigner aux gens. Et la question qu'on peut se poser, ikhwan fillah, est la suivante. Est-ce que Othman ibn Affan a voulu par ses ablutions l'adoration ou bien il a juste voulu enseigner aux gens? Et la réponse à cette question est que ce qui est apparent du hadith, c'est qu'il visait l'adoration, mais il a préféré faire cette adoration devant les gens pour qu'ils apprennent. Et les savants, ils ont mentionné un profit concernant ce type d'enseignement. Et ils nous disent qu'il est préférable, dans ce contexte, de faire l'adoration complètement sans la couper. Par exemple, si tu veux faire la prière devant ton enfant, pour qu'il apprenne, fais la prière entièrement, sans couper ta prière. Sans lui dire, par exemple, à tel moment tu dois dire cela, et à un autre tu dois faire cela. Car si c'est le cas, tu n'auras pas la récompense de la prière. Alors que si tu pries une prière complète, sans la couper, tu auras la récompense de la prière et celle de lui avoir enseigné. Et celle de lui avoir enseigné. Le troisième enseignement est que le rinçage de la bouche et du nez passe avant le lavage du visage. Mais est-ce que cela est obligatoire? Est-ce que cela est obligatoire? La réponse est non. Ceci n'est pas obligatoire. Il n'y a pas de mal à laver d'abord son visage, ensuite rincer sa bouche et son nez. Il n'y a pas de mal dans cela. Le quatrième enseignement est que nettoyer ses parties intimes n'est pas une condition pour faire ses ablutions, au contraire de ce que pensent certaines personnes de la masse. Certaines personnes pensent qu'il n'est pas possible de faire les ablutions sans s'être nettoyé les parties intimes. Et ceci est une erreur. Ceci est une erreur car dans ce hadith, Uthman ibn Affan radiallahu an a fait les ablutions directement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.